destinée à un élément de pointe d'une colonne de secours, est arrivée après plusieurs heures de marche harassante en pleine brousse marécageuse, à l'endroit où s'est écrasé dimanche soir 29 mars l'appareil commercial Nord Atlas, à bord duquel avait pris place au départ de Berberati M. Barthélémy Boganda, Premier ministre de la République centrafricaine, M. Fayama, grand conseiller de l'ancien AIF, M. Senez, chef du service de l'information de la République centrafricaine, et deux autres passagers, M. Duplessis, employé européen de la BNC à Berberati, et M. Kangala, africain adjoint au maire de Berberati, ainsi que quatre membres d'équipage, trois Européens, le commandant de bord, un radio et un mécanicien, et un commis de bord africain camerounais d'origine. Dans les débris de l'appareil, les sauveteurs n'ont retrouvé que 9 cadavres, aussitôt identifiés. La catastrophe n'a donc laissé aucun survivant. M. Dacko, ministre de l'Intérieur de la République centrafricaine, qui participait personnellement aux recherches, a fait savoir aussitôt que toute disposition était prise pour transférer dans les plus brefs délais les restes des victimes à Bangui. La confirmation de la mort du président Boganda a suscité une émotion considérable parmi l'ensemble des habitants de la République centrafricaine, qu'ils soient africains ou européens, et profondément bouleversé l'opinion publique des États voisins. Survenue si brutalement et dans des circonstances aussi dramatiques, la disparition de M. Barthélémy Boganda laisse dans son pays un vide cruel et plonge dans le désarroi non seulement ses nombreux amis et ses militants fidèles, mais une population tout entière pour laquelle le dimanche de Pâques 1959 restera désormais un tragique souvenir. Jacques Alexandre qui vous a parlé de Brazzaville. Avec cet accident, c'est un mythe vivant qui disparaît. Barthélémy Boganda n'avait pas seulement combattu pour l'indépendance de son pays, il croyait aussi à la création d'une république centrafricaine qui regrouperait les quatre territoires de l'ex-AIF. Il avait composé l'hymne de cette république centrafricaine. La non-réalisation de cet ensemble fédéral fait que cet hymne est devenu l'hymne de l'actuelle République centrafricaine, l'ancienne Oubangui-Chari. C'est Barthélémy Boganda qui l'interprète lui-même.